Qu'est-ce que la grâce sanctifiante ? La grâce sanctifiante est un don surnaturel inhérent à notre âme, qui nous rend justes, enfants adoptifs de Dieu et héritiers du paradis. Combien y a-t-il de sortes de grâces sanctifiantes ? Il y a deux sortes de grâces sanctifiantes, la grâce première et la grâce seconde. Qu'est-ce que la grâce première ? La grâce première est celle par laquelle l'homme passe de l'état de péché mortel à l'état de justice. Et qu'est-ce que la grâce seconde ? La grâce seconde est un accroissement de la grâce première. Qu'est-ce que la grâce actuelle ? La grâce actuelle est un don surnaturel qui illumine notre esprit, meut et fortifie notre volonté pour que nous fassions le bien et évitions le mal. Pouvons-nous résister à la grâce de Dieu ? Oui, nous pouvons résister à la grâce de Dieu car elle ne détruit pas notre libre arbitre. Par nos seules forces, pouvons-nous faire quelque chose pour la vie éternelle ? Sans le secours de la grâce de Dieu, par nos seules forces, nous ne pouvons rien faire pour la vie éternelle. Comment Dieu nous communique-t-il la grâce ? Dieu nous communique la grâce principalement par le moyen des sacrements. Outre la grâce sanctifiante, les sacrements nous confèrent-ils une autre grâce ? Outre la grâce sanctifiante, les sacrements confèrent aussi la grâce sacramentelle. Qu'est-ce que la grâce sacramentelle ? La grâce sacramentelle consiste dans le droit qu'on acquiert, en recevant un sacrement quelconque, d'avoir, en temps opportun, les grâces actuelles nécessaires pour remplir les obligations qui dérivent du sacrement reçu. Ainsi, lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu le droit d'avoir les grâces nécessaires pour vivre chrétiennement. Les sacrements donnent-ils toujours la grâce à celui qui les reçoit ? Les sacrements donnent toujours la grâce, pourvu qu'on les reçoive avec les dispositions nécessaires. Qui a donné au sacrement la vertu de conférer la grâce ? C'est Jésus-Christ qui, par sa passion et sa mort, a donné au sacrement la vertu de conférer la grâce. Quels sont les sacrements qui confèrent la première grâce sanctifiante ? Les sacrements qui confèrent la première grâce sanctifiante et, par là, nous rendent amis de Dieu, sont au nombre de deux, le baptême et la pénitence. Comment, en conséquence, appelle-t-on ces deux sacrements ? Ces deux sacrements, c'est-à-dire le baptême et la pénitence, s'appellent sacrements des morts, parce qu'ils sont établis principalement pour rendre aux âmes mortes par le péché la vie de la grâce. Quels sont les sacrements qui augmentent la grâce en celui qui la possède ? Les sacrements qui augmentent la grâce en celui qui la possède sont de cinq ordres, dont la confirmation, l'eucharistie, l'extrême onction, l'ordre et le mariage qui donnent la grâce seconde. Comment s'appellent par suite ces cinq sacrements ? Ces cinq sacrements, à savoir la confirmation, l'eucharistie, l'extrême onction, l'ordre et le mariage, s'appellent sacrements des vivants, parce que ceux qui les reçoivent doivent être exempts de péché mortel, c'est-à-dire déjà vivants par la grâce sanctifiante. Quel péché commet celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce? Celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce commet un grave sacrilège. Quels sont les sacrements les plus nécessaires pour notre salut? Les sacrements les plus nécessaires pour notre salut sont le baptême et la pénitence. Le baptême est nécessaire à tous absolument, et la pénitence est nécessaire à tous ceux qui ont péché mortellement après le baptême. Quel est le plus grand de tous les sacrements? Le plus grand de tous les sacrements est le sacrement de l'Eucharistie, parce qu'il contient non seulement la grâce, mais encore Jésus-Christ, auteur de la grâce et des sacrements. Section 3. Le caractère imprimé par certains sacrements. Quels sont les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois ? Les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois sont au nombre de trois : le baptême, la confirmation et l'ordre. Pourquoi ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent-ils être reçus qu'une fois ? Ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent être reçus qu'une fois parce qu'ils impriment un caractère. Qu'est-ce que le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sacrements ? Le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sacrements est un signe spirituel qui ne peut plus s'effacer. À quoi sert le caractère qu'imprime dans l'âme ces trois sacrements ? Le caractère qu'imprime dans l'âme ces trois sacrements sert à nous marquer dans le baptême comme membres de Jésus-Christ, dans la confirmation comme ses soldats, dans l'ordre comme ses ministres. Chapitre 2, le baptême. Section 1. Nature et effet du baptême. Qu'est-ce que le sacrement du baptême ? Le baptême est le sacrement par lequel nous renaissons à la grâce de Dieu et nous devenons chrétiens. Quels sont les effets du sacrement de baptême ? Le sacrement de baptême confère la première grâce sanctifiante qui efface le péché originel et aussi le péché actuel s'il existe. Il remet toute la peine due pour ses péchés, imprime le caractère de chrétien, nous fait enfants de Dieu, membres de l'Église et héritiers du paradis, et nous rend capables de recevoir les autres sacrements. Quelle est la matière du baptême ? La matière du baptême est l'eau naturelle qu'on verse sur la tête de celui qu'on baptise, en assez grande quantité pour qu'elle coule. Quelle est la forme du baptême ? La forme du baptême est celle-ci. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Section 2. Ministre du baptême. À qui appartient-il de donner le baptême ? Donner le baptême appartient de droit aux évêques et curés, mais en cas de nécessité, toute personne peut le donner, que ce soit un homme ou une femme, même un hérétique ou un infidèle, pourvu qu'il accomplisse le rite du baptême et qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église. S'il y avait nécessité de baptiser quelqu'un en danger de mort et qu'il se trouve à plusieurs personnes présentes, laquelle devrait donner le baptême ? S'il y avait nécessité de baptiser quelqu'un en danger de mort et qu'il se trouve à plusieurs personnes présentes, s'il y avait un prêtre, c'est lui qui devrait le baptiser. En son absence, un ecclésiastique d'ordre inférieur, et en l'absence de celui-ci, un homme laïque de préférence à une femme, à moins que celle-ci ne sache mieux faire ou que la décence n'exige que ce soit elle. Quelle intention doit avoir celui qui baptise ? Celui qui baptise doit avoir l'intention de faire ce que fait l'Église dans le baptême. Section 3. Rite du baptême et disposition de celui qui le reçoit à l'âge de raison. Comment fait-on pour donner le baptême ? On donne le baptême en versant de l'eau sur la tête de celui qu'on baptise, et si on ne peut pas sur la tête, sur quelque autre partie principale du corps, et en disant en même temps « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Si l'un versait l'eau et que l'autre prononça les paroles, la personne serait-elle baptisée ? Si l'un versait l'eau et que l'autre prononça les paroles, la personne ne serait pas baptisée. Il est nécessaire que ce soit la même personne qui verse l'eau et prononce les paroles. Si on a un doute que la personne soit morte, doit-on négliger de la baptiser ? Si on a un doute que la personne soit morte, on doit la baptiser sous condition en disant « Si tu es en vie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quand doit-on porter les enfants à l'Église pour les faire baptiser ? On doit porter les enfants à l'Église pour les faire baptiser le plus tôt possible. Pourquoi doit-on mettre tant d'empressement à faire recevoir le baptême aux enfants ? On doit mettre tant d'empressement à faire baptiser les enfants parce que, à cause de la fragilité de leur âge, ils sont exposés à bien des dangers de mourir et qu'ils ne peuvent se sauver sans le baptême. Ils pêchent donc les pères et les mères qui, par leur négligence, laissent mourir leurs enfants sans baptême, ou même qui le diffèrent simplement. Oui, les pères et les mères qui, par leur négligence, laissent mourir leurs enfants sans baptême, pêchent gravement, parce qu'ils privent leurs enfants de la vie éternelle. Ils pêchent même gravement en différant longtemps le baptême, parce qu'ils les exposent au danger de mourir sans l'avoir reçu. Quand celui qui est baptisé a atteint l'âge de raison, quelle disposition doit-il avoir ? L'adulte qu'on baptise doit, outre la foi, avoir la douleur au moins imparfaite des péchés mortels qu'il aurait commis. Si un adulte était baptisé en état de péché mortel sans avoir cette douleur, que recevrait-il ? Si un adulte était baptisé en état de péché mortel sans avoir cette douleur, il recevrait le caractère du baptême, mais non la rémission des péchés ni la grâce sanctifiante. Et ses effets resteraient suspendus tant que l'empêchement n'aurait pas été levé par la douleur parfaite des péchés ou par le sacrement de pénitence. Section 4. Nécessité du baptême et devoir du baptisé. Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé ? Le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé, car le Seigneur a dit expressément « Celui qui ne renaîtra pas dans l'eau et le Saint-Esprit ne pourra entrer dans le royaume des cieux ». Peut-on suppléer en quelque manière au défaut du baptême ?